fait frais dehors, il fait froid, et la pluie qui ne tombe toujours pas. Mais ça, ce n'est pas pour toi, pour toi mon petit gars. Les basses températures, le froid de la météo, ce n'est pas pour toi. Chercher le gros lot, avoir le bon numéro, avoir le bon numéro, inscrit sur une feuille de loto. Dehors il fait frais, dehors il fait froid, heureusement tu n'y vas pas. Reste faudrait dans ton canapé, rater la télé, regarde ta télé, regarde ton canapé, les problèmes sont oubliés. Regarde ta télé, assise dans ton canapé, voix. La vérité ne sort pas de la télé. Il y a du vrai, il y a du faux. Faut savoir séparer le bon vin de l'ivraie. Hey, mon gars, la vérité c'est quoi? C'est tes profs, c'est tes pères qui te font appliquer la loi. La vérité, humblement, je ne sais pas ce que c'est. Tellement simplement singulière, faut-il écrire au singulier? Perso, elle est plurielle. Je vais dire mes quatre vérités. Comme le chante le poète, elle brille de multiples facettes. Ma philosophie consiste à chercher la vérité dans la vie et la vie dans la vérité. Alors, mon gars, la vérité c'est quoi? C'est la mode, c'est la pub qui te font adorer leur roi. Perso, la vérité se trouve dans la nature. Elle te donne aucun conseil, aucune procédure. Elle coule dans nos veines comme l'eau dans les ruisseaux. Elle est pure, simple ADN, elle ne pleure pas dans les tuyaux. Ma vérité est une vaste forêt qui pousse l'un contre l'autre sans forcément besoin d'engrais. Les grandes pensées protègent les petites idées qui leur fournissent du bon terreau pour pouvoir s'envoler plus haut. La théorie pousse dans les croyances, tutorée par la philosophie elle-même, arrosée par la science. Alors mon gars, la vérité c'est quoi? C'est de l'eau, c'est une graine qui pousse dans le temps qui passe. La vérité est élastique pour les poètes ou les mystiques. Et certains scientifiques l'ont enfermée dans une boîte magique. Toutes objets pesés et disséqués, abandonnés dans des bennes, les minutes, les heures, les semaines. Alors la vérité, c'est quoi? Alors il fait frais, dehors il fait froid, les températures ne rentrent pas. Dehors il fait frais, dehors il fait froid, et la pluie ne tombe toujours pas. Mais ça, ce n'est pas pour toi. Les basses températures, le froid de la météo, non, ce n'est pas pour toi. Viens plutôt chercher mon petit gars. Chercher le gros lot dans une feuille de loto. Dehors il fait frais, dehors il fait froid, heureusement tu n'y vas pas. Reste vautré dans ton canapé, à mater la télé. Regarde ton canapé, regarde ta télé, les problèmes oubliés. Regarde ta télé, assis dans le canapé, nous allons te faire rêver. Et dehors il fait frais, dehors il fait froid, surtout n'écoute pas la petite. La météo ne brille pas que dans les journaux, où les sourires sont en sommeil quand les nuages cachent le soleil. Salut à toi le présentateur télé, faut rigoler quand il y a de la pluie qui nourrit les arbres et les fruits, le vent aussi, oui, est important. C'est en automne où va feuiller la terre qui se transforme en fumier. Au printemps, mon gars, la brise fait quoi? Elle promène le pollen d'une fleur malade, autre femelle. Et oui, ma fille, en hiver, il fait froid. La couverture de blanche neige s'étale au-dessus des toits, le sol gèle à l'horizon. C'est pour tuer tous les microbes qui au printemps te rattraperont. Imagine une année tout en été. Aucune plante ne peut supporter de se faire bronzer sans dissécher. Le sale temps, ça n'existe pas. Ne me parle pas d'intempéries pour la tempête ou pour la pluie, eh ouais. La noix a des natures universelles. Et moi je pense que l'homme se plante lorsqu'il veut conquérir le ciel. Nager à contre-courant armé d'un bataillon de blindés de tracteurs qui se nourrit de leur sueur minérale comme carburant. La monoculture est leur prise de la nature. Si tu aimes le danger, vas-y, personne ne va t'empêcher. Prends ton pied avec des engrais, prends-toi pour Dieu. Et c'est bien fait pour pousser du chou dans l'ivraie, ouais. Mais ne viens pas critiquer les mouches et les pucerons quand tu leur offres sur un plateau de la nourriture à profusion. Et surtout lorsque tu détruis tous les prédateurs, les mauvaises herbes qui te font peur avec ton pesticide de malheur. Enfin, surtout ne viens pas pleurer, ouais. Quand les microbes vont se marrer devant ta culture unifiée, une seule nuit au-dessous de zéro. Et tous ces conquistadors se retrouvent le bec dans le regard. La forêt, elle ne se plaint pas, non. Quand il fait frais, dehors il fait frais, dehors il fait froid, mais ça ne compte pas. Dehors il fait frais, dehors il fait froid, mais la pluie ne tombe toujours pas. Mais ça, ce n'est pas pour toi, pour toi mon petit gars. Les basses températures, le froid de la météo, non, non, non, non, ce n'est pas pour toi. Viens plutôt chercher le gros lot, avoir le bon numéro, ainsi sur une feuille. reste vautré dans ton canapé. À monter la télé, regarde ton canapé, regarde ta télé, tes problèmes sont oubliés. Regarde ta télé, assis sur le canapé, nous allons te faire rêver. Ouais, ouais, ouais. Surtout n'écoute pas la petite voix. Eh bonhomme, est-ce que la société se consomme? Regarde les hommes et les femmes se gonfler comme des bibins d'hommes, se perdent dans la nature et devenu quelque chose de perverti. Il vaut mieux rester blotti dans notre quatre murs décrépits. Et comme le cibier est bien si bien rabis, l'humanité est asservie de dictées hors de prix. Les nourrissons naissent dans des caisses, les écoliers vont par milliers dans les bahuts abachotés. Et quand les jeunes veulent respirer, on les concentre dans des boîtes que les serrés à s'asphyxier. Le jeune adulte s'en va pointer, sort de sa caisse pour s'enfermer dans sa boîte pour y travailler. Et quand le vieil homme est trop fatigué, il va patienter dans une boîte à vieux pour s'y reposer, se reposer jusqu'à la fin. Dormir habilitant dans une boîte de sapin. Et après on s'étonne que tous les hommes se nourrissent de médicaments, drogues et de calmants. Je n'irai pas chanter même si ça me fait marrer. La médecine est une putain, ils sont macros, c'est le pharmacien. J'en suis conscient, les médicaments sont bons pour la santé. Même si les antibiotiques à les gommer, c'est pas des antibiotiques. Ouais. N'oublions pas que certains sont placebos, de petits comprimés rigolos qui ont le cerveau à mal au dos. Ouais, depuis la nuit des temps, l'homme a mal au ventre, au dos, aux dents. Et qu'est-ce qui lui sert de calmant? Ce sont les sales tisanes et les remèdes de bonnes femmes. Et ces docteurs, ils se sont fait cramer en se faisant passer pour des sorciers. Dans nos jardins poussent toutes sortes de médicaments. Ce sont les adventices, les mauvaises herbes que l'on détruit comme du chien dents. Ouais. L'ortie est tonique, plus terrifiant que le thé. Le pissenlit, le lierre, les pâquerettes sont bons pour la santé. Et un esprit sain dans un corps sain, c'est sentir le parfum de la nature et exploser vos murs. Et il fait frais dehors.